déjà de retour, c'est pas possible. Oui, il devrait être revenu. Excusez, moi, je crois qu'elle a dû l'enlever. Ah oui? Mais oui, grande comme elle est. Mais non, mais non, le voilà, le voilà. Ah, alors, salut. Raconte-nous. Vous pouvez pas savoir. Ce qui est arrivé, comment ça s'est passé, pendant qu'on attendait là. Alors, tu me dis rien. Pourtant, tu pourrais bien penser à tes copains. Penser à mes copains. Bien sûr. Parler du rendez-vous, c'est ça, hein, qu'elle m'avait donné. Elle, écoute, elle est arrivée. Je la voyais qui marchait, qui marchait, qui marchait devant moi. Qui marchait devant toi. Elle s'est retournée, m'a regardé, regardé, regardé, comme si j'étais le bon Dieu. Comme si j'étais le bon Dieu. Ouais, ouais, ouais, bon parfaitement, Dieu. Parfaitement. Moi, je n'ai rien fait. Alors là, t'as eu tort, parce que moi, à ta place. Cœur dans mon cœur, ça tournait, ça tournait. Ça tournait, ça tournait. Ça tournait. Mais ça n'a pas tourné pendant toute la soirée. Si. À moins que tu n'aies valsé. Non. Jaloux. Alors. Raconte. Tu nous avais promis de ne rien nous cacher pendant toute une nuit. Oh, tout de suite là. Tu as dû t'amuser. Elle a pris ma main, et dans sa main qui tremblait, elle a posé sa joue. Elle a posé sa joue. Oui. Moi, j'avais mon front dans ses cheveux qui dansaient, qui dansaient, qui dansaient dans le vent. Qui dansait dans le vent. On m'avait dit qu'elle était chaude. Ah, c'est pas la même, c'est pas la même. Comme il faisait froid, je l'ai serré, tant serré, tant serré, tant serré, tant serré. Alors, on rêvait. Joli. On rêvait qu'on s'aimait. Mais ça n'a pas duré, tu sais. Ça dure jamais, je connais. J'ai senti qu'il fallait. Fallait. Se décider. Je l'ai emmené. On s'est caché, bien caché, bien caché, sous un coin de ciel bleu. Sous un coin de ciel bleu. Là, j'ai vu mon nom, près de son nom qui brillait, qui brillait, qui brillait dans la nuit. Qui brillait dans la nuit. Oh oui. Mais pour la quitter. Comment? Déjà? J'ai dû penser que demain. Ou après, j'oserais quoi l'embrasser.